Paris se dit en chinois. Pa-li, pa, pouce vers coucher. Li, doigt bleu levé. Pa-li, pour dire Paris. J'habite à Paris. Alors Paris n'a rien à voir avec Bali, si ce n'est que ce sont deux endroits magnifiques. Alors dites-moi, j'habite à Paris. 我住在巴黎。 J'habite à Paris. 我住在巴黎。 Nous avons déjà rencontré le mot avoir envie de, vouloir, qui se dit. Xiang. Non. Xiang. Et vous pouvez l'employer pour dire j'ai envie de faire ceci, je voudrais faire cela. Mais parfois, vous pourriez vouloir dire je veux ceci, je veux cela. Et à ce moment-là, vous aurez besoin d'un autre verbe pour dire ça. En français, vouloir dans le sens de avoir envie de peut s'employer pour dire je voudrais une tranche de pain, je voudrais aller quelque part. Mais on ne peut pas faire comme ça en chinois. On a besoin d'un autre mot. Et on a un autre mot plus approprié que l'on traduit par vouloir. Donc le mot vouloir en chinois se dit Yao. Yao. Doigt noir pointé vers le sol. Yao. Pour dire vouloir. Hein, dites-vous que quand un cow-boy est poursuivi par les Indiens et qu'il veut leur échapper, il fouette son cheval en criant Yao, Yao. Yao. Maintenant, traduisez je veux un livre et sans insister sur le 1. 我要书 Comment dites-vous vouloir ? 要 C'est bien. 要 Alors, doigt noir pointé vers le sol. Hein, quand le cow-boy veut mener son cheval au galop, qu'est-ce qu'il crie ? 要 Et il s'enfuit au galop. Alors reprenons. Je veux un livre. 我要书 Comment direz-vous ? Il veut un ami. Et inutile ici de traduire le mot un. 他要朋友 Il veut un ami. 他要朋友 Comment direz-vous ? Il ne veut pas de professeur. Et ici, vous n'avez pas besoin de traduire le « de la phrase. 他没有老师。 Bien, qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit quelque chose en chinois, et c'était juste, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Alors, qu'avez-vous dit ? Oui, j'ai dit « il n'a pas de professeur ». D'accord. Maintenant, comment dites-vous, il ne veut pas de professeur. 他不要老师。 Et qu'est-ce que vous faites du trampoline dans ce cas ? Ah oui. 他不要老师。 Voilà, c'est ça. Reprenons. Il ne veut pas de professeur. 他不要老师 Que veut-il ? 他要什么 Comment dites-vous vouloir ? 要 Hein, rappelez-vous, le cow-boy est poursuivi par les Indiens et il crie 要 Alors reprenons. Que veut-il ? 他要什么 Maintenant dites Pourquoi veut-il un professeur ? Sans traduire le 1. 为什么他要老师 Pourquoi veut-il un professeur ? 为什么他要老师 Il veut un professeur maintenant. 他现在要老师 Il veut un professeur maintenant. 他 现在要老师。 Dites, il dit qu'il veut un livre, mais sans traduire le que. 他说他要书。 Il dit qu'il veut un livre. 他说他要书。 Et on pourrait également dire, et vous l'entendrez aussi, il dit qu'il veut un livre. 他说他要一个书。 Et comment direz-vous « nous voulons tous des livres » Je vous rappelle qu'on ne traduira pas le « des » en chinois. Donc, on commence par « nous tous ». Voulons des livres. Yao shu. Comment dites-vous « voulons » Yao. Bien. Comment dites-vous « nous voulons tous des livres » Nous voulons tous des livres. Maintenant, dites-moi, ils veulent tous un ami chinois. En traduisant le un cette fois. Ce n'est pas tout à fait ça. Redites-moi, ils veulent tous un ami chinois. 他们都要一个中国朋友。 Ils veulent tous un ami chinois. 他们都要一个中国朋友。 Maintenant,Traduisez la question « Pourquoi veulent-ils un ami chinois ?» Puis la réponse « Parce qu'ils veulent parler le chinois. » Alors commençons par « Pourquoi veulent-ils un ami chinois ?» Pourquoi ? Oui, shenme. Ils veulent un ami chinois. Tamen yao yige.中国朋友。 Et maintenant, parce qu'ils veulent parler le chinois. 因为他们要说中文。 Pourquoi veulent-ils un ami chinois? Parce qu'ils veulent parler le chinois. 为什么他们要一个中国朋友，因为他们都要说中文。